Budget, pages 8 et 9. Budget 2017. Maîtriser nos dépenses en maintenant nos investissements structurants. Des dépenses raisonnées, une gestion rigoureuse, des provisions anticipées, une dette maîtrisée. C'est dans ce contexte qu'a été voté à l'unanimité le budget 2017 de Château-Gontier-Bazouges. L'équipe municipale a choisi de ne pas augmenter le taux de fiscalité. Malgré la baisse des dotations de l'État, qui continue d'engendrer une perte de recettes pour la ville, Château-Gontier-Bazouges poursuit son évolution. Il nous faut sans cesse être plus inventifs, repenser nos modes de fonctionnement, prévoir et planifier nos grands chantiers. Notre volonté avec l'équipe municipale est de protéger les ménages et les entreprises des investissements et des contraintes budgétaires actuelles, souligne Philippe Henry. La municipalité veille scrupuleusement sur ses dépenses tout en maintenant la qualité du service public. Notre recette fiscale est inférieure de 30%, ainsi que le revenu moyen par habitant qui est plus faible comparé aux villes de même strate, précise Philippe Henry. Vincent Saulnier explique aussi qu'en baissant de nouveau de 4,3% nos dépenses, les marges de manœuvre étaient cette fois de plus en plus réduites. Il est toutefois important de rappeler qu'en dépit de cette situation contrainte, la ville de Château-Gontier-Bazouges parvient à maintenir son niveau d'investissement. Le chantier majeur de la mandature sur le réaménagement du parc Saint-Fiacre, avec la construction de l'espace du même nom, lire en pages 20 et 21, et la construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle permettant d'accueillir de nouveaux praticiens. Dessin symbolisant les différentes compétences dont les budgets sont détaillés dans l'article. Solidarité et santé. Budget 1 960 000 euros. Dont fonctionnement 1 850 000 euros. Investissement 110 000 euros. Mettre en œuvre des actions de solidarité et d'accompagnement vers les personnes fragilisées par l'âge ou par tout autre facteur, les plaçant dans une situation sociale difficile ou complexe. Construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Jeunesse. Budget 582 000 euros, dont fonctionnement 580 000 euros et investissement 2 000 euros. Assurer l'organisation ou le soutien d'actions en faveur des loisirs et de l'éducation de la jeunesse. Administration générale, sécurité et protection civile. Budget 3 169 000 euros, dont fonctionnement 2 840 000 euros et investissement 329 000 euros. Fournir les ressources support nécessaires aux autres missions. Financer, dans la limite des compétences de la commune, la sécurité et la protection de la population. Action culturelle et vie citoyenne. Budget 6 180 000 euros, dont fonctionnement 630 000 euros et investissement 5 550 000 euros. Permettre le fonctionnement de la démocratie locale avec une ouverture des citoyens sur l'Europe et développer la culture en qualité d'élément du lien social. Construction de l'espace Saint-Fiacre. Réussite éducative. Budget 2 825 750 euros, dont fonctionnement 2 050 000 euros et investissement 775 750 euros. Fournir les moyens matériels créant les conditions nécessaires à un enseignement primaire performant tout en assurant des services communaux périscolaires accessibles et de qualité. Aménagements urbains. Budget 2 230 000 euros, dont fonctionnement 1 760 000 euros et investissement 470 000 euros. mettre en place et entretenir les infrastructures urbaines nécessaires à la population résidente et à l'accueil de nouveaux habitants dans un environnement agréable et préservé. Commerce. Budget 210 000 euros, dont fonctionnement 190 000 euros et investissement 20 000 euros. Au regard des compétences communales, favoriser le développement des commerces, de l'artisanat.